Je reviens en courant. Je suis de retour. Je monte, je saute dans le train et on part. Même en courant, même en volant, je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je dois faire pour te retenir. Donc, reste. Reste encore avec moi. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même pour aimer, je n'aurai pas le temps, pas le temps. C'est bien trop court, c'est bien trop court. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. En chantant, même en chantant 1000 ans, aussi fort que le vent. Même en chantant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. C'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même pour aimer, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je revois madame. Je ne veux pas vous dire ce que je pense, car le courage m'a manqué. Ne m'en dites pas de m'en aller, car je ne peux pas. Je veux seulement vous voir, vous dire que, bien souvent, madame, je pense à vous. Et même trop souvent, madame, je pense à vous. Je vous regarde tendrement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener

et en ressuscité. Aime-moi comme une parenthèse, une pause, une trêve, un vide où je me noie. Aime-moi comme l'amour en rêve, sans interdit, sans règle, ne plus penser qu'à ça. Aime-moi et comme un sacrilège, assouvir le cortège de mes désirs de toi. Aime-moi et j'arrête le temps, respire à contre-temps, ne respire presque pas. Aime-moi. Je trace le chemin de la bouche et des mains, te dessine la voie. Aime-moi. Et c'est moi qui décide, qui t'emmène et te guide et dispose de toi. Aime-moi. Te manger comme une pomme qu'on craque et abandonne, te prendre comme un homme. Je connais la manière et comment il faut faire pour trouver la lumière. Vous savez, madame, ça fait pleurer un homme de voir qu'on a devant soi un amour inaccessible. Au bout des doigts, et on ne peut pas le toucher. On le regarde et sans pouvoir le prendre. On s'agenouille et on prie, et ses prières restent sa réponse. Tout ça fait pleurer un homme, si fort qu'il puisse être. Nous allons maintenant faire un petit tour dans les Antilles. Hein? Ronnie, ça c'est pour toi, mon cher ami. Nous allons à la Martinique. Je sais que tu nous attends. La Martinique, c'est une île baignée dans la mer des Antilles, pour ceux qui ont étudié leur géographie, et qui est restée toujours une colonie française. Ils appellent la France la métropole. Ils vont nous faire danser avec leur rite bien connu, qui est le zouk. Bien souvent, quand je dis à mes amis que je parle aussi créole, ils me demandent « Mais comment ça sonne le créole ?» Je vais vous donner un avant-goût de cette langue qui se parle dans les Antilles comme Haïti, Guadeloupe, Martinique. Roule, roule, musique là, le carnaval, la peau n'est pas dansée. Aïe, aïe, aïe. Et c'est créole. Ça, c'est le créole. Hein? Ça fait. Et. Comment je pourrais traduire? Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse faire la traduction. Ça veut dire dale, dale, la música en el carnaval. Esa música no va a ser bailar. Maman, quel espagnol. Nous écouterons un morceau qui nous parle de aussi de dame un besito, doudou, dos besitos, doudou, tres besitos, nounou, para hacerme sentir bien, para ponerme en el ambiente del amor. Pídeme de todo que tú quieres. Para los besitos, te lo daré. J'essaie de traduire la chanson en espagnol. J'espère que vous allez au moins capter l'idée de cette chanson. C'est une chanson qui s'appelle Ban moi un ti bo, dame un besito. Ban moi un ti bo, chérie, ka fè mwen mal, chérie. Ban moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo, doudou. Ba moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo l'amour. Ba moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo. Ba moi tout ça oulé, pour soulager chez moi. Ba moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo doudou. Ba moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo l'amour. Ba moi un ti bo, de ti bo, trois ti bo. Ba moi tout ça oulé, pour soulager chez moi. Moi fais un charme pour moi charmer. Bah moi un petit beau, des petits beaux, trois petits beaux. C'est moins l'amour, c'est moins tout tout secret. Quinzaine tombée, péché l'a pas payé moins. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moins. Et... Pas moins un petit beau, des petits beaux, soit petit beau doudou. Pas moins un petit beau, des petits beaux, soit petit beau l'amour. Pas moins un petit beau, des petits beaux, soit petit beau. Pas moins tout ça rouler, pour soulager, tiens moi encore. Pas moins un petit beau, un petit beau. Chanter avec le douanier Rousseau encore une fois et la compagnie créole de la Martinique. Cette fois, c'est d'une île merveilleuse qu'il parle, leur Martinique. Ronnie, écoute mon vieux, j'espère que tu seras satisfait ce soir. Oui, ce genre de musique, c'est pour danser, car ils vous mettent les fourmis dans le pantalon. Et oui, je me souviens bien des nuits passées à danser sous la tonnelle au son des guitares, des drums, des tambours. Ah, que de souvenirs merveilleux. J'ai envie de danser. Qui veut danser avec moi? Je suis prêt, moi. Allons-y. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. On va maintenant clôturer le bal. On doit s'en aller, on doit prendre son chapeau, prendre sa valise et partir en douce. Je vous dis merci d'avoir passé cette heure avec nous et nous vous demandons de bien vouloir revenir sur la fréquence dimanche prochain et pour une même émission. Hein. Encore une fois, merci. Bon dimanche et à la prochaine. C'est Daniel Fouché au micro de la UDO qui vous salue et vous dit bonsoir. À bientôt, à dimanche.